Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes actuellement à l'écoute d'une radio toulousaine, s'il en est une. Et l'émission, c'est Nuisance. L'émission Nuisance a pour but, entre autres, de disperser. Ainsi soit-il. Chocolat. Cure que me dure, chili canne. Poutchaka, Poutchaka, Poutchaka et boum, Agalawada, Chougi du boogie woogie. Instance Purulence sur le canal sud de Nuisance 05 61 53 36 95 ou canalsud.net avec les 3 W points devant. Nous avons trouvé la voie, c'est ici même, ici bas. Ouais, ouais, la vie elle vaut la peine d'être vécue. Ouais, ouais, ça vaut le cul. Le cul, ouais, le cul et la mouise dans le roman obtuse. Obtuse, mais pas aiguse. Ah, aiguise ton air. On a wannabe, sur un wannabe, wannabe, wannabe, fucking hole. Fucking the holes everywhere. I wanna be fucking the holes everywhere. That's what it's about. Did you find y'all? I mean, down in the hell. Have you found the gate to hell yet? Hell is within. Oh yeah, hell is within. And outside too. Hell. Shmias McFolly, I mean, like madness has taken its toll. This is nuisances, and it's not getting old. It's getting battered inside, battered, deadly battered, même. Que je dis la vérité, vous comprenez pas ce que je vous dis. C'est la vérité. Vive la France. Enfermé dans son émoi. Something rather stupid going on. Rather stupid. It's like this. It's like this, you know. It's like this, you know. Gotta know, don't you? Nuisances has started. Ceci est le vendredi 13 juillet 2012. La fin du monde est proche, mes frères et sœurs. Nous allons pouvoir enfin mourir. Mourrons en enfer, je l'espère. Cette année, et toutes les autres aussi.

N'oubliez pas, vous êtes sur Canal Sud, donc ce n'est pas la peine de laisser tomber. gâché, amour gâché par la jalousie gâchée. Sachez que dans ce monde pourri, quand le mal agit et sa baisse il en sourit, sans levant les yeux vers ciel, on sent l'abri du regard du chétan sur terre. Que des innocents qu'on condamne, que des innocents qu'on condamne. Si je t'appelle plus, tu le mérites, toi. Bienvenue à Nuisance, il est 21h41 sur le méridien de Greenwich Village. Village. On est sur la place du Village. Village. Et donc nous allons à présent écouter un titre d'une onzaine de minutes. Et ça vous dérange pas? Bon, bah d'accord. Si, hein, forcément. Ah non, non, ça vous dérange pas. Quand vous, quand vous entendrez ça. Voilà. Merde, 11 minutes. Tu m'entends? Ironie quand tu nous tiens. Ouais, non, oui. horreur quand tu nous tiens. Putain d'après-midi. Hey! dire beer. Il peut boire, le salaud, il peut boire. Yeah. Il vous reste 3 minutes. Bienvenue sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM, c'est un bordel monstre comme d'habitude, c'est l'heure de nuisance. Nuisance, c'est un bordel monstre comme d'habitude, c'est l'heure de nuisance. C'est un bordel monstre comme d'habitude, c'est l'heure de nuisance. C'est un bordel monstre comme d'habitude, c'est l'heure de nuisance. Il y en a qui jouent avec les boutons. Ouais, ouais, Bob Dylan est dans la place. I'm Bob Dylan. Hello. Hello. Woo-hoo. Bon, bah, on fait ce qu'on veut, hein. C'est ça le maître mot, on fait ce qu'on veut. On va aller au bal des pompiers. Ouais, un Larsen dans la gueule, j'adore. Ouais. Et ça, c'est ma faute. Il y a des éclats de rire dans le, à la fin du morceau. Je crois qu'on on les a pas eu, mais le morceau finit par des éclats de rire. Parce qu'il a coupé le morceau. Et on n'a pas eu les éclats de rire. Non, mais parce que non, il y a pas de. Mais bon, c'est voilà, c'était ça rentrait bien dans le truc, quoi. Ça m'a amusé quand vous avez parlé de rire à un moment donné, parce que je me disais, tiens. On a parlé de rire. Oui, on devrait vraiment se faire chier. On est là. Tiens, si on pouvait rire, ce serait cool si on riait. Mais c'est vrai que les éclats de rire étaient ici. Par contre, les éclats de rire étaient ici. Les éclats de rire, il y en avait ici aussi. Non, jamais. Je sais pas. Non. Bah, moi, je vais faire mon truc comme d'habitude. Vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, moi, je vais faire un truc de merde. Et j'encule le peuple. Toutes. Ouais. Ouais. passe la bière, Robert, Roger, Michel, Jean-Michel, Jean-Pierre, Alphonse. Je sais pas quoi. On avait dit quoi là, comme prénom ? Siméon. Voilà. Et les nabus. C'est quoi ? Ah ouais, c'est comme Gisèle. Gisèle. Ouais, Gisèle. Elle Gisèle ? Je sais pas. Gisèle. Gisèle. Gisèle ? Gisèle, Gisèle. Gisèle, quelle Gisèle ? Gisatel. Gisèle. Gisèle ? Gitel. Javel. J'ai peur. Vas-y, la liberté c'est pour les cons, hein. On va faire Nouveau un truc tel. Construit. Hein. Nouveau tel. Nous ce qu'on veut c'est un truc construit, on veut un truc calé. Donc à 3 et 4, vous vous sentez dans la gare, dans la poire. Dans la poire de la gare ou la gare de la poire ? Dans la poire de lavement. Anal, j'hésite. Non, j'hésite pas, c'est bon. Drôle de projection là, on imagine quoi alors ? Toutes ces... L'hygiène, la fraîcheur... Les vitamines. Comment ? Des vitamines. Déjections de poire, vitamines. Non, analgésique. Oui. Je me suis trompé à ce coup-là, je voulais dire analgésite. Ah oui. Pour dire je n'hésite pas, mais je me suis foiré comme d'habitude. Bon, c'est à ton tour. De te foirer. Alors, qui c'est qui veut se foirer ? Ouais, y en a qui se foirent pas, tu vois ce que non, je veux dire ? Tu gésis dans l'anal. Ah. Qui Gisèle ? Ceux qui me connaissent mentionnent mon anus souvent, je sais. Ah. C'est un peu un pouvoir de gourou que j'ai sur les gens. Ouais, Gisèle dans son anus. Et ils ont pas 3 ans, hein. Ils ont dépassé le stade anal. Hein, mais... Non, mais pas moi. Anus. Ils vont pratiquer la conjonction des cloaques. Ouais, les cloaques, ouais. Les cloaques, les muqueuses, les. C'était quoi déjà ? C'est dégueulasse. Les mucosités. Ouais. Vous écoutez Nuisance sur Anal Scud. Anisque Sud. 92.2 FM. Sur la région toulousaine. Sud de la constellation. Bien, pour nous trouver, c'est pas difficile. Comme c'est la nuit, vous cherchez où est la lune. Et comme on est en dessous, paf, vous allez juste en dessous. Voilà, et sur Terre. Et, voilà. On est juste au-dessus. Voilà, ouais, c'est pour se repérer dans l'espace. Pas loin du bal des pompiers. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on a un pompier parmi nous. J'aime bien cette expression bourgmestre. Qui bourgmestre. Son métier. Il adore son travail. Et un en fait, pompier il a de Fahrenheit 451. Comment on n'a pas entendu ? Alors, ton métier, pourquoi est-ce que tu l'aimes ? Un pompier de Fahrenheit 451. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Et qu'est-ce qui te plaît ? Un pompier qui brûle. C'est ça que t'aimes. Et l'eau, ça mûre. Brûlons, brûlons en paix. Prout. De mammouth. Et comme disait du billard, si on a peur de l'eau, c'est qu'on a peur de la police. Oh, elle est bonne. Cajon. Ouais. On va rester comme ça. Vous voyez comme vous êtes là, eh ben, vous restez comme ça. Alors je nous proposais de faire de la guitare, pourquoi pas. Maintenant ? Bah tout pourquoi suite. Pas. Pourquoi pas maintenant ? Il y a pas eu les fan clubs et tout. Mais non, c'est pas bah non, on n'est pas comment il s'appelle Stéphane Claire là, je sais pas quoi. Là. Qui ça ? Comment il s'appelle Claire, il y a Julien Claire. Julien Claire. On n'est pas Julien Claire que je sache. Bah c'est une star, c'est une star Julien Clerc, donc mais je veux dire. On a une star Thierry là dans le studio. Non, mais faut pas le dire quoi, faut pas le dire. Ah, elle a tout. Thierry Lhermitte, elle comprend pas. Thierry Lhermitte. C'est un instinct on a à avoir. Thierry Lhermitte à la radio, putain. Ouais, il voilà. Joue de la guitare, on a de la chance. Voilà, hein, bah ça tombe bien, comme ça on a deux coïncidences, c'est on génial. On préfère rien mieux pas. Les lapsus, les lapsus. Même, les lapsis, ça se dit les lapsis. Même pendant qu'on parle, même pendant qu'on parle. Non, c'est vrai, ça se dit les lapsis. En fait, un anus, des anis. Non, mais en fait, ils sont tellement humbles à Canal Sud qu'ils ils veulent même pas dire qu'ils ont invité non, Thierry l'Hermite. En fait, on craint, on c'est a peur. C'est pas possible, ils sont même pas fiers, quoi. Allez, Thierry l'Hermite qui joue de la guitare, on l'écoute. Non, on a tout fait pour l'éviter. Non, c'est vrai, c'est dangereux, on sait jamais. Vaut mieux pas dire qu'on est de Canal Sud. Je dis rarement Canal Sud. En fait, on va s'enlever un poney. En fait, on n'existe même pas. On m'a pas invité. Tant mieux. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, j'ai dit « Ah, oh, c'est pas mal pour mes yeux bleus, ça !» J'avais pas dormi, c'est non, tes yeux sont noirs. Ça tombe bien, j'avais ma guitare et mon ampli. Et bien. Moi, j'avais mon chabris. C'est un mot, chat, chabris. Chabris. Chabris, ça se dit, ça. C'est un petit morceau de c'est moins attractif que chablis. Et vous connaissez onomatopée, c'est création de mots en grec, je crois. Non, onomatopée c'est a a a o o o o. Ouais, mais je sais, mais ça veut dire onomatopée en grec, ça veut dire création de mots. Non, c'est un néologisme. Quand tu crées un mot, c'est un néologisme. Ouais, mais c'est inventé. Ouais, d'accord. Mot qui n'existe pas, mais je te dis en grec, onomatopée, c'est dans les lettres grecques, ça veut dire création de mots. Je te dis pas que ça veut dire création de mots, onomatopée. D'accord. Peut-être. C'est pas très clair ce que je dis, mais. Vérifie, parce que je parle pas le grec. Si nous sommes dans un atelier d'onomatopée, nous créons des mots. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un mot. Je ne peux pas vous dire lequel, puisque nous sommes en train de le créer. Mais dès que ça sera fait... I'm gonna die tonight. I'm gonna die. It's for sure, man. I know it. Woo! On travaille sur une comptine qui s'appelle la complainte du prisonnier. Wow, yeah! I wanna die. Là, même, on peut avoir I'm so happy, I'm dead. Thierry l'Hermite qui va prendre sa guitare en direct. Et en exclusivité sur Canal Sud, c'est Nuisance, 21h, 23h le vendredi. Et donc Thierry l'Hermite, sous nos yeux de nos invités, dans ce studio plein, nous sommes pleins nous-mêmes. Thierry l'Hermite, donc, prend sa guitare et nous allons nous accompagner. Death, I love you so much. Oh yeah, kiss me, Death. Kiss my ass. Nom de Dieu! Et des claviers en live, direct, et on se ridiculise à ne rien faire et à pourrir la vie des autres, surtout. My big fucking dick, and I'll fuck everything that moves. I'm Ken, I'm a playboy, motherfucker, yeah. I don't want no teeny weeny itsy bitsy little motherfucking dick. I want a big dick. I want a big penis. Yeah. But you can. Yeah, I got a big penis. I wish it. I asked the genie of the lamp, le génie de la lampe, je voudrais un gros pénis. Et il me dit, tu as un gros pénis, imbécile. A big, big, big, big dick. Thank you. Excusez-moi, je vais réécouter. Oh putain, merde! Ah! Ça soulage. Dieu, je t'aime tellement pas. Moi non plus. Faut pas le dire. C'était un secret. Ah, t'as tout gâté. Non, mais vive les chrétiens. Non, mais c'est ma faute sûrement. Je suis un crétin, c'est ça. Mais qu'est-ce tu me l'as dit là en face. Crétins. Je le sais maintenant. Vive les crétins. Un crétin, c'est fait pour crétiner encore et encore. Piétiner les chrétiens encore et encore. Pétrir. Alors c'est quoi, c'est pétrir, pétrir le crétin. Piétiner. Pétrir les le chrétiens, crétin. Les chrétiens encore. Pourquoi pas pétrir le crétin quoi. Pétrir les crétins et enfin une bonne tarte. Une bonne tarte de crétin. Bon, et ben moi je rigole pas. Moi je suis pas là pour rigoler. Nuisance, c'est quelque chose de chiant. T'sais. Donc on va se faire foutre et on montre l'exemple, c'est tout. Voilà. Nuisance, c'est de la merde. Et on s'encule les uns les autres. Enfin, je veux dire, surtout moi, je m'encule moi-même, tu vois, je veux dire. Enculons-nous les uns les autres. Non, c'est quoi déjà ? Suicidons-nous les uns les autres. Non, c'est l'heure de la prière, là. C'est pour ça qu'on arrête un peu de parler, là. On va prier. Merci beaucoup pour ce pain que j'ai mangé aujourd'hui. C'était trop bon. Donnez-moi tout, je veux tout, tout ce qui existe en ce bas monde pour moi. Je mérite tout, tout ce qui existe, c'est pour moi, moi, moi, moi, et toujours pour moi. sont des bandes qui tournent, des bandes pour votre satisfaction, messieurs, dames. Nous écoutons des bandes, plein de bandes, ensemble, et même que les bandes que nous faisons live sont toujours des bandes et rien que des bandes. C'est une bande de guitare, une bande de clavier, une bande de bandes, de bandes, de bandes. Et ça fait débander, on se demande pourquoi. Le CNED, c'est pourquoi, c'est pour apprendre, c'est pour apprendre quoi encore, des conneries, c'est toujours apprendre des conneries. C'est pour des cons, niais, et bêtés, et noirs, en plus. Mais il n'y a pas de haine dans le CNED. C'est CNED, non, mais... avec un D, et débile. Et débile, voilà, moi je disais déblatérant. J'ai fait 3 ans d'études. Non, j'ai eu mon bac. Ah, moi j'ai fait 3 ans d'études, mais t'aurais, tu sais lire au moins avec 3 ans d'études? Non, j'ai eu mon bac par le CNED et 3 ans d'études en art plastique. Combien d'années d'études il faut pour savoir lire et parler, quoi? Non, combien en art plastique, 3, il faut 4. La licence, putain, pour l'avoir au ça CNED. Ça suffit, il faut arrêter là, à 3-4. Hein, dès qu'on a 3-4 ans, c'est bon, il faut arrêter. Il faut arrêter quand on sait lire et parler et compter. Après qu'ils aillent se faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ont pas besoin de nous. J'ai comment... pour améliorer le monde. Ils peuvent l'améliorer sans moi. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est pas le dire à faire. S'améliorer le monde soi-même. Essayer. Je suis pas convaincu. Ah ouais, il y a un truc là, ouais. Il y a un truc là. Ah, ouais, il y a un truc lire, là, ouais, ouais, tu disais là de tirer une feuille au hasard. Mais quoi? Alors, bon, là on est obligé de dire. Alors, qui c'est qu'il y a ici autour de la table? Du coup, il y a Thierry, oh, Patrick, Thierry, Sophie et Steph. Voilà, et Al et aussi. Al. Voilà, du coup. Et voilà, donc c'est une fiche que j'ai tirée au hasard là. Pour il apparaît souvent que les gens qui vivent le moins ont le plus peur de mourir. Comme s'il craignait que la mort ne vienne à ceux qui vivent. On commence, on n'a pas entendu. Excuse-moi. C'est ce qui est écrit sur la fiche. Vas-y, là, que, on t'écoute. C'est ce qui est écrit sur la fiche que j'ai tirée au hasard. Ouais. Pour il apparaît souvent que les gens qui vivent le moins ont le plus peur de mourir, comme s'ils craignaient que la mort ressemble à ce qu'ils vivent. C'est ce qui est écrit sur la fiche là que j'ai tirée au hasard. Ah ouais. Encore une fois, vas-y. Pour il apparaît, alors pour, je sais pas, hein, le texte était commencé avant. Hein. Mm-hmm. Il apparaît souvent que les gens, ouais, que les gens qui vivent le moins ont le plus peur de mourir, oui, comme s'ils craignaient que la mort ressemble à ce qu'ils vivent. Il a en fait, ouais, c'est l'affiche qui est tirée au hasard. Ouais. Ouais. C'est en fait, c'est son idée en fait. Il dit les gens, mais en fait, c'est son idée à lui. Et en fait, il parle de lui, même si pas né de même s'il le sait pas, quoi. Il parle de lui. Cordon bleu de dinde. Souvent, quand on recopie une phrase, moi, je le fais souvent. C'est des choses qui nous parlent. Ah oui, ah bah oui, oui, voilà. Oui, c'est tout à fait. Et moi, j'ai récupéré les notes d'un mec que je connais absolument pas, qui était artiste et qui est décédé. Et on m'a donné ses notes. C'est trop bizarre. Et voilà, ça en fait partie. Et c'est marrant que c'est marrant pour le coup de les tomber portiers. Tu me disais bon, les portiers soudoyeurs pour le faire revivre ces idées. Venez, c'est payé. Ah ouais, au-dessus il y a événement type campagne anti-bruit ou promo véhicule, une flèche défilée d'éléphants, escalier blanc dans la ville, voire location cirque d'animaux. C'était un poète en fait. Gangster lui-même combat à Rome. Combat out of woman. Portée de la chose. Qui vient te dire. C'est bien pour la radio. Non, ça, que ça, je ne vois, non. Des... C'est bon. Ça. I'm avec ta messed voix, up. Là, en plus, c'est trop non, c'est... Toi, tu en as tiré une? Allez, à moi. Fuck the business. I hate it. That's how it is. Shit. I don't give a fuck anymore about c'est those bunny rabbits. Yeah, no. Now that I've got a heavy brain, I'd still rather go west. Well, I don't really know no more. Not that I care, no. I don't give a fuck. I'm wide open. Les garçons, ils parlent aux filles pour coucher avec. Et les filles, elles couchent avec les garçons pour parler avec. Oh merde. Oui, c'est pas... That's for sure. Oui. I want to die. I give away passions to others on Hangar Night. It seems to be an action on the way to Golden Heights. No listening. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est bien dit. Forever anyway. C'est une belle phrase. Juste les appliquer et un homme au milieu de l'air. Not that I know. Redis-la. Alors, les garçons... Anywhere I go. Il parle aux filles pour coucher avec. I see no way. Et les filles, elles couchent avec les garçons pour... Leur parler. Voilà, pour parler avec. Pour parler avec. Freeing my pen. No forgiveness. Do it yourself. Don't complain. So you won't do it. C'est bon de ramer la merde. Mais c'est drôle, mais c'est la pas pure bien. Merde. C'est horrible. J'en ai marre. Je vais péter les plombs et tout foutre en l'air. En tout cas, il écrivait bien. Enfin une femme. Enfin une femme dans ce Putain, studio. Putain, c'est bon. Tant mieux pour moi. Ah ouais, je suis contente. Des pleurs et ouin ouin. Mais pour l'instant, là, j'aime bien comme il écrit. I like dying in pain. Do it and die. Younger than ever. Tu en as une autre, hein. J'en ai marre. Oui, mais là, je comprends. Grave même que j'encule le monde Parce tellement. Fois, ah, il me fait chier la merde du cul qui pue, la merde du cul qui me fait plus la merde. Voilà. Donc, je peux essayer. Voilà. Je vais essayer. Genre projet vitrine constant. Portique coffrage peint. 30 x 30 x 30. Format exact mannequin. Fabriqué pied mannequin. Métal semelle vissé haut boulon. Projet gélate couleur. Possibilité lumière blanche inclus dans structure. Fermez le pourtour barré. Tasseau écoutement barré. Petit croquis de trapèze. Maybe dans l'espace suspendu. Suspendu écrit comme sus. C'est bizarre. Voir mur. De découpe. Bon, j'arrête. Continue. S'il te plaît. Voir mur de découpe de lettres solde souligné trois fois. Solde, solde, solde. Dans tous les sens, entre parenthèses. Sur la vitre, une couleur ou blanc plus une couleur. Exemple, rouge. Petit croquis avec prémisse de perspective. Petit personnage entouré comme dans une vitrine. Vitrine entre guillemets constant à base d'images sur transparent divers superposées et repeintes. Point. Petit trait à la ligne. Mode fringue sur ville macadam. Tiré voiture, tiré de, du quotidien au chiffon, du chiffon au quotidien. Petit trait à la ligne. Slogan pub, trop belle pour simplement vous couvrir. Avec la version son qui suit, évidemment. Et pour terminer, X vous couvre pour que l'on vous découvre. Voilà. Life sucks, I already knew it, and there is no but. The illness is passing, hopefully, manner of speaking. La suite se suit, la faille aussi, ainsi la vie faillible, car mortel comme un champignon, hallucinogène, alors où est Al? Va te faire, il ne reste rien de nous, Anunzio ou Alal, tout ça va se faire foutre pendant que moi, oui moi... Qu'est-ce que ça peut me foutre à moi, moi? Et au fait, je voulais juste répéter la raison, Patrick, Philippe, que la dernière phrase était géniale, parce qu'en fait, il a récupéré un slogan de pub à la con, trop belle pour simplement vous couvrir. Ça devait être une lessive. Trop belle pour simplement vous couvrir. Puis-je éructer? Éructer, puis-je éructer? Éructer, éructer. Merci. Voilà. Donc, ça sent dans le micro. Hein. Donc, trop belle pour simplement vous couvrir, c'était pas suffisant pour une lessive, ça donne pas envie de l'acheter. Trop belle pour simplement vous couvrir. Doigté tactile. Or, hein, va me faire foutre le fer. C'est là la résistance. Alors que l'idée qu'il a trouvée, dans le refus. Cette lessive vous la passion couvre. Qui débilite le moi. Le moi désintéressement me fuit. Oui, j'ai le moi qui me constitue. Ah, la chose hélas de se faire. Tellement la lassitude est omniprésente. Elle est la clé de quelque chose de magnifique. Le relâchement de la quiète. Torpeur, magnifique, il faut absolument acheter. La folie de l'humain, c'est moi. C'est de la folie. C'est de la folie, cette lessive. Il faut vraiment, vraiment l'acheter. L'acheter par la fenêtre? Ouais, non, l'acheter, la garder. Carrément, moi je l'achète par la fenêtre, pas t'inquiète. Tu dors avec, quoi, tellement, justement, tellement cette lessive vous couvre pour que l'on vous découvre. Ah ouais, moi je veux qu'on m'incouvre. Est-ce qu'on peut m'incouvrer, s'il te plaît? En fait, ça fait penser à ce qu'il disait tout à l'heure, ce garçon. Incouvrir, tu vois. En fait, je veux dire, je veux m'extérioriser vraiment complètement, quoi. Incouvre-toi. Ouais, il faut que je m'incouvre. Et d'abord, il faut que l'on se découvre. Ouais, attends, je me découvre un doigté tactile. Tellement la lassitude est omniprésente, elle est la clé de quelque chose de magnifique. Le relâchement de la quiète torpeur moite, la folie. La folie de l'humain, moi, sa mort m'emplit de grandes fiévreurs. Cette passion préférable à l'enfer de la vraie vie, vécue, satisfait, moi, voilà ce qu'il y a. 22/07/2011, vendredi 6h52 du matin. There's been a while when I was awake, it's in the future, is all there is to it. And that's where I'm at now, now or never. What bullshit. Like dying on a feathered down, with plunging downward, outwardly killing, crushing. Now where are we? I don't really want to say. Afraid of reaction everywhere. Total chaos is what I'm about. Talking? What the fucking hell for? Since I'm not answered. Non-existent, this bullshit, no nonsense. Caring, I call that rather woefully and bashful. I call that stupid herd behavior mental. Processes gone stagnant. Poor things, all of them. Bullshit, no use lying. Let them bomb, burn, rot, twist and fry. They can handle what they deserve to got. That's what it's about, stupid motherfuckers. Damn them to hell. And mental starvation. Mental starvation, ça veut dire... Starvation mentale. Starvation, tu vois ce que je veux dire? Ouais, une starvation mentale. Non, vas-y, je te dis, attends, c'est famine. Bien sûr. Voilà, donc on parlait de famine mentale ce soir. Voilà. C'est très simple. Indignant. Oui. Pas confondre avec mental salvation. Ah non. C'est une sorte quand même d'asservissement mental. Vous avez le moral, vraiment, vous avez le moral. Ah non, mais pourquoi faire le moral? Mais franchement, mais... Après, qui aille surenculer le hal. Qui aille surenculer le mort, hal. Non, mais il faut le dire. Moi, c'est ça que je veux. Et alors, moi, je connais pas de hal, moi. Ah ouais, non? Non, je vois pas. Annunzio? Je sais pas pourquoi t'arrêtes pas de prononcer ce mot-là. Ah, dommage. Moi, j'aime bien, on prend plein la gueule. Ça me rassure. À son tour. Plusieurs plans, là, on discute sur plusieurs plans, c'est intéressant. Et lequel est le plus intéressant? C'est le oui, j'étais assez d'accord avec ça. Tu peux continuer ton argumentaire, ah, mais s'il ça te sauvera pas, ma vie. Oui, ça va, mais... Ah non, mais maintenant, t'es là. Hein. Non, mais j'écoute l'argumentaire. Non, mais vas-y, je t'écoute toi. Monsieur, tu sais, le verre, là, qui est ouvert, là. Il a le droit de parole, là, qui est ouvert. Vas-y, on t'écoute. Non, je t'entends pas. Tu peux répéter, s'il te plaît. Non, en fait, il parle deux langues. Non, s'il te plaît. Il parle aussi français. Ça, on va rigoler un peu. Alors, on parlait de quoi? De you. Je croyais qu'on parlait de famine mentale. I got something. I got something to die for. Oh yeah, I wanna die. Oh yeah, it's cool. J'ai pas compris en fait. Je voudrais le dire devant tout le monde ce soir, je n'ai rien compris. Voilà. Autant que ce soit dit et clair, je n'ai rien compris à la vie. Mais si, les garçons ils parlent aux filles pour coucher avec. Et les filles elles couchent avec les garçons. Et pourquoi les garçons ils se foutent des gouttes dans le cul pour jouir? Pourquoi parler? Enfin, jouir. Bah quoi? Jouir de la vie, bien sûr. Alors pourquoi? Ah, personne n'a de réponse, tout le monde est gêné, tout le monde est abasourdi par une telle question. Mais oui, non, parce que mais oui, mais oui. C'est un tabou, quand même. Mais non, c'est pas un tabou, c'est un tabou pour toi. Mais c'est horrible, l'homosexualité. Non, c'est pas horrible. C'est pas homosexualité, c'est god sexualité. Il faut pas parler de ça. Il faut pas chercher. C'est god sexualité, c'est pas homosexualité. Il faudrait qu'il y ait un homme derrière le god. Mais non, un god, ça n'a rien à voir avec un homme. Ah, c'est ça, là, je trouve. C'est du sexe anal. Je vois pas ce que ça gêne là-dedans. En tout cas, moi, quand c'est lugubre, ça me fait pas jouir. Lugubre? Mais en plus, c'est lugubre, le sexe anal. Alors, la sodomie, Sodome et Gomorre, attention, on va crever. Faut pas qu'on baisse par le cul, sinon on aura plus d'enfants. D'accord, c'est bon, j'ai compris. J'ai parlé de l'ambiance. Vous inquiétez pas, je m'inquiète pas, moi. Non, je crois que c'est pas une question de maturité. C'est une question d'éléphantise. Éléphantisme. Éléphantasis. Éléphantasma. Tasma bite. Éléphantasma bite. Dorite. Satan est parmi nous. Satan la bite. C'est ça, alors. Sale une bite. Ah bah d'accord, bah c'est bon, là j'ai tout dit. Et bon, on va pas parler du reste parce que sinon ça va être encore plus sale ou quoi. Je comprends plus rien. Ouais, vaut mieux, ouais. Ouais, vaut mieux, ouais, faut que tu te taises. C'est moi qui vais me taire. Et on n'a pas introduit le témoin de Jéhovah. Y'a pas quelqu'un qui a un DVD de Starsky et Hutch là? On prend notre feuille, déjà faudrait qu'on s'affiche au... Non, ça c'est les grandes... T'as pas de charge, c'est bon, c'est des cuissons. Tu t'inspires. En fait, ouais, si tu veux aller de Haganau à Dietwiller, il faut passer par Innospelden. C'est un plan. Toujours la route, je pense. Et là, ça va être compliqué alors, je crois, parce que déjà. Sinon il y a des croquis. Ben, c'est un club discothèque, Subway. 67 700, Falsch, Heim, téléphone, voilà, tu vois, tout ça. Ouais, c'est bon, hein. Et après, Ah ben il y a la D41, il faut prendre la D41, ils donnent D41 là-bas aussi. Ah cool. Ici on en a une aussi de D41, et là-bas aussi ils en ont une. Ouais. Ça tombe, c'est la même. Peut-être que si tu vas sur la D41 de chez nous, tu te transportes sur la D41 chez eux. Ils ont une D41 nous aussi. Et t'as de la chance, j'ai tout mis sur moi ce soir. Et j'ai le pouvoir de télétransportation. Ah. Juste par les numéros, mais seulement par les numéros. Hein. Oh, super. Si tu veux du 41, je peux t'amener sur la 41. D'accord. Ouais. Eh ben là, mais écoute, là c'est 03 88 70 29 42. D'accord. 668 996 38 03, c'est ça? Pas tout à fait. Mais voilà, c'est là-bas. C'est là-bas. Mmh. C'est bon, là-bas. On y va, allez. Ouais. Allez, un, deux, trois. J'avoue que, bon, on peut pas... Hop, ça y est. Ah, voilà. On vous parle plus parce qu'on n'est plus ici. C'est pour les moins, moi, je mérite l'hôpital, l'hôpital pour crever, ouais. Ouais, pour crever l'abcès purulent que je suis vraiment un abcès purulent, que je suis toujours moi, je me suis, ouais, j'ai raison. Mais la vie est belle, tout de même. Ah oui. Ah d'ailleurs, en parlant de la vie est belle, à mon tour, attendez, j'ai un truc. J'ai ramené un bouquin que j'adore. C'est Le Guerrier de la Lumière de Paulo Coelho. Parlons un peu de positif dans cette émission. Hein. Alors, j'en prends un par hasard. Bah des rétros. Un guerrier de la lumière n'est jamais lâche. La fuite peut être une excellente méthode de défense, mais on ne peut... Comment ? Il a copié sur les Chinois qui sont pas du tout cato, alors que lui c'est un gros cato pourri. Qu'est-ce qu'il a volé aux Chinois ? Tout à fait. Mais on ne peut y recourir quand la peur est vive. Quelque chose à rajouter, mon ami ? Guerrier préfère affronter la défaite pour soigner ses blessures, car il sait que s'il fuit, il donne à l'agresseur un pouvoir plus grand que celui qu'il mérite. Dans les moments difficiles et douloureux, le guerrier assume sa position d'infériorité avec héroïsme, résignation et courage. C'est le matin, je me lève, je vais faire pipi, j'en ai une page, je suis de bonne humeur. C'est tout. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Paulo Coelho. Ouh, mon Dieu, Paulo. Oh, je t'aime tellement. Oh, Paulo. Paulo. Paulo. I love you so much. Oh, I miss you, Paulo. Oh, I miss you so bad, bad. You are such a good guy. I love you, Paulo. I need you. I need you, I miss you. Yeah, I crave you. Yeah, I love you. I want you. I never said that to you, but I love you. I told you the other day when we saw each other. Quand on s'est vu l'autre jour, Paolo. In the sunlight, yeah. Well. Je t'ai aimé, Paolo. Ah, Paolo, tu étais. Je te souviens de moi, Paolo. Paolo, tu étais. Nous étions un. Tu étais si beau avec moi. Avec tes cheveux dans le vent. Et ton sourire aux dents si étincelantes. Et ton odoriférante nature. Oh, que je t'aime, Paolo. Sans pchit-pchit, tu sentais bon, tu avais une bonne haleine. Tu sentais le caca, comme j'aime le caca en toi. Paolo, tu sens moi, tu sens la merde, comme je t'aime tellement. Comme je t'aime tellement. Sens-moi la merde, Paolo, sens-moi le cul. Paolo, Paolo, sens-moi le derche, Paolo Coelho, sens-moi le cul. Ouh. Ouais, bravo. Harakiri. Véronica a décidé de mourir. Et là, que fait le guerrier de la lumière? Et là, que fait le guerrier de la lumière? On n'a plus rien à lire. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il est lumineux comme un néon. Alors. Allez, une autre page. Il y a un guerrier néon dans un tunnel noir. Non, donc, je plaisantais, il y a un guerrier néon dans un tunnel noir. Alors, dans un tunnel noir, nous raconte au coin du feu ce petit moment philosophique humaniste. Un guerrier de la lumière a besoin de patience et de vivacité à la fois. Les deux plus graves erreurs stratégiques sont agir avant l'heure et laisser passer l'occasion. Pour éviter cela, le guerrier traite chaque situation comme si elle était unique. Sale unique de merde ! Elle les traite, quoi. Ça traite la situation, tu vois. Sale situation unique de merde ! Voilà, c'est ce que dit le guerrier. Fais chier, putain de bordel de merde, je suis un chevalier guerroyant et foudroyant. Je suis un guerrier de la lumière. Tu dois comprendre, situation, que ce n'est pas à toi de me dicter ma conduite. Merde! Il n'applique ni formule, ni recette, et ne se fie pas à l'avis des autres. En effet. Tu as bien compris, sage compagnon, tu vas entrer dans ma secte. Et il y a un petit droit d'entrée. C'est déjà vu quelque part. Je sens, toi, une énergie bienfaisante envers moi. Viens avec moi, compagnonne. Voilà. Nous allons être amis pour toujours. Ne t'inquiète pas. Continue, c'était marrant. Crois-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le guerrier de la lumière? Il devient quoi? Mais après, il faut garder le sérieux. Est-ce qu'il gagne? Oui, mais il faut garder le sérieux après. Ah non, mince. Non, mais je peux t'en lire un autre après, si tu veux. Là, je l'ai fermé. Ah ouais, il y en a plein. C'est un livre où il y a écrit plein de trucs. En fait, c'est par page, il y a un truc. Il y a des trucs écrits sur toutes les pages. Ah ouais, il y a un truc livre, sur chaque ligne et tout. Sur toutes les pages. Non, pas sur toutes les lignes, mais sur toutes les pages. Des lettres, les gens. Mais il y a des pages où il y a beaucoup de lignes, et des pages où il n'y a pas beaucoup de lignes. Et sur toutes les pages, il y a écrit des trucs. Des lettres à lignes et des lettres à pas lignes. Ben, je vous laisse l'émission pendant environ. On s'éclate. C'est parce que Thierry Lhermitte nous a quittés. Non. Non, mais il nous a pas dit que. En fait, il nous a quittés, mais il est encore là. C'est nous qui ne sommes plus là. On parle pour vous faire croire qu'on est encore là. Mais... C'est l'histoire de faire. Mais en fait, on n'est pas là. On n'est pas là. Ben non, on est déjà parti. Ben oui. Ça fait longtemps. Ça fait un moment déjà. Pendant que vous nous écoutez, le temps que le son arrive jusqu'à vous, que nos voix arrivent jusqu'à vous, il faut. On est déjà parti. Ah, on est déjà parti depuis au moins 8 ans. Et, des années de lumière de vous. Nous, si vous voulez nous trouver, il faut regarder la lune et puis juste au-dessus. Enfin, c'est les années de lumière, ça fait quand même beaucoup au-dessus. Moi j'y vais pas souvent non plus. Non, mais les rapports physiques, le truc, année-lumière, tout ça, je ne vois pas du tout. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. En une seconde, elle fait 300 000 km. Mais comment on peut se rendre compte avec un fil électrique? Et comment est-ce qu'on peut se rendre compte avec un fil électrique? Eh bien, si c'est pas électrique, ça serait une vraie corrente entre le moment où tu appuies sur l'interrupteur et le moment où ton ampoule s'allume. Et en fait. Oui, mais tu vas déjà. Non, non, entre le moment où l'ampoule s'allume, je veux dire, et le moment où toi tu la vois allumée. Et une année-lumière, c'est quoi déjà une tu m'as dit? Si tu veux, en une seconde, la lumière, elle parcourt 300 000 km. Combien? 300 000 km. En une seconde, la lumière parcourt 300 000 km. Ah ouais, voilà. Putain. Et en une année. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, en sachant qu'en une seconde, elle aura parcouru 300 000 km. Et on, c'est-à-dire qu'en fait... Ah ouais, putain, vous avez déjà dit, alors vous connaissez le truc de... Si l'arbre... Une heure Non, si l'arbre... Attends, approche-toi du micro, je t'entends pas. Non, par contre, alors c'est, vous savez, ça, 300 000 km secondes, si l'arbre tombe dans la forêt, s'il n'est pas vu par quelqu'un, comment on sait s'il est tombé c'est dans pas la forêt 300 000 km secondes. Parce qu'en fait, l'univers, il n'existe pas sans nous. Mais parle dans le micro. 120, non, pas 120 000 km secondes. Non, mais parce qu'il y a une personne à côté de nous qui fait le style, il coupe. Et en fait, on va vérifier. Stéphane Bern. On vérifiera et puis on vous dira. On a Stéphane Bern qui est timide ce soir. Si ce que tu dis est vrai, il y aurait une différence. Tu pourrais attendre une année entre l'éclair, presque plus d'une année entre l'éclair et le son. Approche-toi du micro, je t'entends pas. Le son, c'est pas les électroniques. C'est quoi ce débat de merde? Bon, je vous remets, maintenant vous arrêtez ce débat pourri. La musique, là, ça change tout, là, je t'entends bien. Là. Oui. Bon, allez, je vais en piocher un autre. 120 mètres secondes, la lumière, c'est 300 mètres secondes. Tu peux faire de la musique aussi en même temps. 300 mètres secondes, donc en une heure, en 10 secondes, elle fait 3 000 secondes. I'm gonna sing a lullaby, for my penis. Sleep penis, dors mon petit pénis. Dors, dors, dors, je veux que tu dormes, allez dors. Dors tout le temps, comme ça tu me feras plus chier. Dors, espèce de petit pénis de merde, enculé. Ouais, ça inspire vachement pour chanter super juste. Moi je peux faire pareil et là tu vas voir. Faut trouver la bonne phrase. Et ben là, qui finit là, début de le début de la phrase. Avec juste, avec juste, buste. Oh, buste, je vais te montrer mon buste. Malgré ton buste, ouais, j'aurais pu dire ça. Voilà, donc malgré ton buste, tu es juste. Enfin bon, je sais pas si c'est bon, enfin, c'est voilà, il faudra. 600 secondes dans une heure, ou tu fais 300, ça fait déjà. Ça y est, on y est, le malaise. Super, j'adore. C'est mon moment préféré de la soirée. Le mal-être, le malaise, le mal-être. C'est ce que je veux. Je veux mal-être. Je veux mourir. C'est parfait. Damn you! bien. Donc on a à peu près rien à se dire. Donc tant mieux. Tant mieux, on n'a rien à se dire. Micro et moi, je t'aime pas. Justement, je crois que Sophie, justement, voulait parler. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Oui, Sophie. Bientôt, oui, c'est très bien. Sophie va bientôt parler. Bientôt. Alors, vous qui êtes chez vous, là, vous éteignez la télé, pas la radio. C'est exactement dans 4 minutes 32. Dans 4 minutes 32, Sophie va vous parler, vous éteignez la lumière, vous asseyez. Voilà. Vaut mieux que vous asseyez avant d'éteindre la lumière, parce que sinon, si vous éteignez la lumière et que vous allez chercher la chaise, vous risquez de vous cogner. Alors, vous avez peut-être le temps d'aller aux toilettes. Oui, quand même, en 4 minutes 32, oui, on peut supposer que vous avez le temps d'aller aux toilettes, et puis... un petit sandwich après, il met une chaise à côté de l'interrupteur pour s'asseoir avant d'éteindre la lumière. Exactement. Car Sophie va parler. Voilà. Et la vitesse de la lumière déjà ? Alors la vitesse de la lumière, les avis divergent, n'est-ce pas ? Comme toujours, il est impossible de faire l'unanimité. Chacun revendique une vitesse différente pour la lumière, mais bon, en étant démocratie, on a le droit. Donc, mais il semblerait qu'effectivement, elle aille vite. De toute façon, elle va très vite. Elle va à la vitesse de la lumière, c'est dire. David qui mourt avec nous. Voilà. Donc Thierry, que penses-tu de la vie actuelle ? Oh, je me sens bien. Mais la vie en général ? Oh, mais moi je vais bien. Sophie est en train de vous parler. Il n'y a pas que Sophie là-dedans, je crois. Il y a Thierry Lhermitte aussi. Thierry, tu m'entends, Thierry Lhermitte ? Et Stéphane. Thierry Lhermitte, tu m'entends ? Oui. Alors, qu'as-tu à me dire, Thierry Lhermitte ? Est-ce que tu nous entends ? Oui. Tu es avec nous ? Oui. Te souviens-tu de l'héritage de grand-mère ? Je suis Thierry Lhermitte. Souviens-tu où est la cache de l'héritage de grand-mère ? Esprit Thierry Lhermitte, viens à nous. Entends-nous. Ah, je savais bien qu'en venant ici, j'étais pas pris au sérieux. Voilà, c'est ça. Je veux t'entendre, Thierry Lhermitte. Dis-moi tout. Parle-moi de ma mère. Alors, moi, j'ai un nouveau film qui va sortir. Ce serait bien que Josiane Balasco arrête de me piquer mes rôles. Voilà. Alors, Josiane, c'est une attaque personnelle, en live. Sur la radio nationale, t'arrêtes de me piquer mes rôles, hein. C'est bon. Parle-moi de maman. Parce que si ça continue, maman. Je vais pas faire des ménages. Maman. Maman. Ouais, si ça continue, tu vas voir, toi, déjà. Qui a le droit qui voudrait citer une prière pour le faire ça à Thierry l'ermite. Ouais, je vais être un ermite dans une cave. Ouais, moisie. Ça fait mal aux oreilles, je sais. C'est sympa. C'est un petit cadeau comme ça. C'était trop doux là depuis un petit moment. Bienvenue, là. Si vous Thierry l'ermite. Éteignez vos postes, c'est l'horreur. Ouais. Mieux vaut crever que d'écouter ça. Bon, Thierry l'ermite est parti par contre là, il en pouvait plus. On s'est un petit peu moqué de lui, mais les gens, c'est quand même. Ouais, il était c'est horrible, on souffre. On souffre pour vous là tellement ce soir. Ouais. Tellement on a rien pour nous quoi. Bah, vous êtes tout pour nous. Oui, c'est vrai, vous êtes tout pour nous. Bah oui, bien sûr, on vous aime, on vous aime. On vous aime tellement. Écoutez Canal Sud. Ah oui. Écoutez-nous. En pensant à vous, Nuisance pense à vous en se tripotant la nuit. Vous savez ça? Grâce à vous. On ne dort plus. Nuisance se tripote la nuit grâce à vous. Mais non, on pense qu'à eux, on dort plus. Nuisance est une entité. Et elle se tripote la nuit pour vous, tellement elle vous aime. Oh oui, public adoré. Je t'aime. Public adoré. Ouais. C'est ça qui est bon. C'est non, Alphonse, hein. Je me moque pas de vous, hein. Je ne rigole pas, je suis très sérieux. En tout cas, c'est vachement bien ce que tu passes depuis tout à l'heure. Enfin, ce qu'il joue et tout, c'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup. Même quand tu racontes plein de conneries dégueulasses, bon, les mots, je les oublie, mais ça passe bien au niveau sonore. Tu veux dire que c'est pas uniforme mon émission, quoi. Non, il y a des trucs c'est... bien et en fait il y a que de la merde. Non, des fois c'est. Il faudrait qu'il y ait vraiment que de la merde. Des fois c'est cracra. C'est cracra, des fois ça va dans les. Ah. C'est juste ça. Chacun son niveau. Chacun de son cracra-itude. Ouais. Je me suis lavé ce matin. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis même lavé le cucu. Je me suis frotté dans la baignoire. Je me suis frotté avec un gant de toilette. Si c'est vrai, c'est vrai, c'était bien. Je m'en souviens. C'était chouette. T'es content alors? Oui, ça veut dire. Voilà, ça y est, t'es content. Thank you. Zapping. Remise Oscar Benigni. Gong Chirac Pacifique. Mur Berlin. Canal Plus Sex Foot. Non mais c'est les actualités. Ordinateur plus web. Vache folle. Clonage. Titanie. Laetitia Casta. Ah, oh, putain. Gainsbourg, résurrection, nuage. Clinton, cigare, cul, golf, Coluche, conceptuel, installation. Lolo Ferrari, chirurgie esthétique. Rap, techno, ecstasy, dopage, sport, Coupe du Monde, Chirac, en maillot de France. Explosion FN, Le Pen, colère, FLNY, nazi. Oh my god, oui. FLNC. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas pour moi. Ah là là là. Achivé. Arabe, Israël. Homosexualité. Fin, Europe. Fin, F-A-I-M, Europe. Design Audimat TV. Il y a un truc, c'est par rapport à l'époque où c'était, ben, il n'y a pas Moody's A3+, et tout ça, quoi. Alors que là, on entend tellement qu'on a l'impression que ça a toujours été ça. Avec, mais là, dans les actualités que tu as lues, pas que Moody's va baisser la note c'est de tel maintenant. Pays. C'est encore maintenant. Ouais, ouais. Tout. Mais c'est pas si vieux. Hein, ouais, c'est, oui, mais ça date quand même de. Mais en même temps, tu peux le transporter aussi. Mmh. Ça dépend des trucs. Quoi. Vache folle. Ouais, je veux dire que ça serait. Il aurait écrit ça maintenant. Tu aurais des trucs comme ça. Là, si tu l'as pas, c'est parce qu'à cette époque-là, on n'en parlait pas. Et c'est vrai que quand il y avait eu Chirac là qui avait repris les essais nucléaires dans le Pacifique. Chirac. C'est vrai qu'à ce moment-là on parlait pas de. Il n'y avait pas les Moody's et tout ça. Non. Ça existait, mais on n'en parlait pas quoi. Mm. Et maintenant, d'un seul coup, ouais. Paf, les générations spontanées, ils sont apparus. Marche dans la rue, tu d'un coup il y a des crapauds. Il y a des trous qui apparaissent avec des crapauds qui sortent. Et ils font quoi? Ils font croix-croix ou ils font un autre bruit maintenant? Ah, ils lancent des trucs gluants, quoi. Ah ouais, putain. Des trucs gluants. C'est flippant, quoi. Ils font croucrou maintenant. Ouais, ils ont muté, alors ils font croucrou. On leur donne des jolis noms. Moody's, ça sonne bien. Moody's, ça sonne super bien, quoi. C'est parce que sinon... s'ils se mettent à croître, à croire, enfin, à croisser, voilà, à croisser, s'ils se mettent à croisser, Mon Dieu, c'est un drame. Ils croissent pas et en fait, voilà. Ça le truc. Ils envoient un G baveux. Ils essayent Moody's, tout ça. Ça parie pas. Donc on parlait de Mujahideen TV. Donc si on peut rester sur le débat qu'on a commencé vers 21h, ce serait bien. Mujahideen TV, c'est une super télé. Pour ou contre? Voilà, donc on a commencé à 21h. Pour ou contre Mujahideen TV? Qu'est-ce qui se passe? Qui a pris une décision dans cette histoire? Quelqu'un prend les arènes ou les rênes peut-être de l'affaire. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. On va éviter de se battre parce que déjà deux personnes à l'hôpital. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Si on n'est pas d'accord, on essaie de le croiser. Peut-être. Parce que. Mais que nous reste-t-il? En tant que Mujahideen, putain, un honneur. Sacrebleu quoi. Qui fichtre Dieu. Je veux dire, des gens nous écoutent. Il faut être scabreux et un tant soit peu si éloquent. Si eux. Donc on va faire attention de blesser personne. Hein. C'est qui personne? Il faut blesser personne. Bon, personne va te faire enculer, bâtard, sale merde, salope. Personne, je sais pas qui t'es, c'était une meuf ou un mec. Ça, en j'aime tout cas, bien, va te faire ça, c'est pas grave, ça, tant qu'il n'y a pas les scabres, les scalpes. Il faut blesser personne ce donc, soir. Nous sommes dans le débat. Bon, bah, je suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois. Voilà, mais moi non plus. Hein. Et on va s'arranger. Je suis même forcément pas d'accord. Allez, on se retrouve dans 5 minutes, on va régler ça. Bon, ça y est, ça a duré plus vite que prévu, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, un petit coup de scape. Là. Bon, il avait un sabre, hein, faut dire. Hein, c'est mais, quoi le scape? C'est pas évident. Il y a un petit scalp là, tu sais qui. Ah, scalp. Enfin, ça c'est. Le scalpel, j'ai compris scape. Ah. C'est comme tout à l'heure là quand j'ai compris langue moisie ou je sais pas quoi quand t'as dit cramoisie. Ah quoi, ouais c'était dingue ce truc. Ah c'est dingue. C'est comme quand je comprends va te faire foutre quand on me dit tu sais tu pourrais changer de lapin de défense quoi. Et moi je comprends pas tu vois. Alors je me dis il me dit sûrement ou elle me dit sûrement d'aller me faire enculer quoi. Et c'est ça qui se passe dans ma vie. Tu vois. Je comprendrai jamais. Bon, il pleure, il a un petit peu mal, je lui ai fait mal. Ça y est, j'ai un petit pénis maintenant. Ah mais super, merci. Merci hein. Bah je vais dire ton nom de famille, voilà, tiens. Pla dans la gueule à tout le monde. Ton nom de famille, t'imagines l'horreur. Honte. L'horreur. Non, on n'est pas en besoin de famille. Oh merde. Oh, mince. J'allais pas dire ça. En tout cas, vous n'avez rien entendu. Non, bah non, mais non, on a dit rouille rouille. C'est ça? Je sais pas, j'essaie d'écouter ce qu'il y a derrière moi. Mais il y a rien derrière moi, il y a personne. Il y a que le vide. Le vide nomenclaturé d'une néance absolue. Et toutes les voix que vous entendez qui sont pas moi, ben en fait c'est pas moi. D'une néance fion. D'une néance pion. D'une néance. Je sais pas quoi. Yon en yon. Il y a que moi qui suis moi au milieu de toutes ces voix qui ne sont pas moi. Ouais, faut dire des trucs forcément. On dit des trucs sympas. Bah ouais, c'est une sorte de c'est statistique. Faut s'auto-congratuler de temps en temps, ouais, hein. Ouais, ça c'est. Faut s'auto-congratuler de temps en temps. Contrôle, on a perdu le contrôle. Yeah, baby, yeah, come on, take me now. I want you to take me now, baby, I love you so much. Take me through the brain. Take me my way, through the brain. Prends-moi par le cerveau. Prends-moi comme moi je veux être pris. Par le cerveau, vas-y, prends-moi chérie, je t'aime tellement, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement je t'aime, tellement. Laisse-moi te bourrer le cerveau avec mes merdes et que j'en ai rien à foutre, que tu crèves, en fait, dans mon inconscient, je veux que tu meurs. Parce que dans mon inconscient, je suis pas conscient et je mets tout ce qu'il me reste à mettre là-dedans. Et que finalement, tout ce que je veux, c'est que vous creviez tous à la fin. Et moi aussi, oui, c'est l'enfer. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. C'est l'enfer! Alors autant être inconscient de son inconscient, c'est ce que je me suis dit. Et c'est là que j'ai commencé à explorer les voies impénétrables. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Je deviens de plus en plus conscient. Tout s'est inversé. Je dois être sur la fausse piste. Et je me suis dit, il faut que je sois conscient de mon inconscient. C'est ça la bonne piste. C'est la piste pour avancer vers l'intérieur. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit, merde, je vais me droguer. Et je vais baiser quelqu'un. Ou me faire baiser par quelqu'un. Et comme ça, j'oublierai toute cette mission divine qui m'est échue. Et pas moustachu, comme certains diraient. Alors pourtant, on peut se dire, on peut se demander toujours pourquoi, et pourquoi pas. Mais finalement, papa n'a rien à voir là-dedans. Qu'il aille se faire enculer ! Entuber même ! Qu'il aille se faire entuber, entuber les veines. Papa, maman, je t'aime pas. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes tellement, je m'aime pas. Maman, papa, je vous aime pas. Et c'est comme ça. Et ça restera comme ça tant que je voudrais pas changer. Compris. Merci. Hey. It's a long way from home. Après 23h10, si nos invités veulent émettre une opinion sur la durée de l'émission, elle le peut à cet instant. Et à aucun autre instant précis dans cette émission, elle ne peut s'exprimer librement, alors qu'elle en profite. Bien c'est à coup de clou dans les mains et dans les pieds. Oui, donc voilà, on t'écoute. Tu veux dire pour partir Oui, mais si tu t'exprimes pas maintenant... Oui. En tout cas, je suis le patron de cette émission, car je cotise. Comme tous les gens de Canal Sud, car nous sommes une association donc de bénévoles qui cotisons pour pouvoir faire des émissions pour émettre sur les ondes hertziennes à Toulouse et sur le canalsud.net ou bien. Le téléphone bien. Est le 05 61 53 36 95. Nous vous remercions tant de cette écoute que nous allons commencer à nous lécher le cul nous-mêmes en nous exprimant de cette façon-là. Donc je vais arrêter à présent d'émettre dans 3, 2, 1 seconde.